Chapitre 14. La rade de Bombay, l'île d'Elephanta, son temple, vue ravissante, la folle du logis en gestation, l'hôpital des animaux, l'hôtel de l'esplanade, distribution des prix aux volontaires, un tapis de corps humain, adieu à Ramjan et à Boulou. 17 avril. Dès le lever du soleil, nous embarquons en assez maigre compagnie sur la chaloupe en question. Rien n'est beau comme cette rade de Bombay, constellée d'embarcations et de navires de tout tonnage et de toute mature, avec son immense ceinture d'îles moussues. L'un des grains de cette sorte de chapelet est l'île d'Elephanta. Nous l'atteignons au bout d'une heure de navigation admirative. À peine débarqués, de jeunes hindous au type ravissant nous offrent qui des crevettes d'une espèce particulière, qui des coléoptères ressemblant à des tortues ailées, et enfin des cannes et des grains rouges dont les Indiens se font des colliers. Au centre de l'île, une montagne à deux sommets rocheux émerge de la verte fourrure de palmiers. C'est dans le flanc de ces rochers qu'est creusé le fameux temple. Nous attaquons un escalier de granit très raide, et en haut de cette sorte d'échelle de Jacob, à 400 échelons, nous trouvons le cottage du Saxon gardien du temple. Moyennant une faible rétribution, ce pipelet védique nous délivre le ticket réglementaire et se met à notre disposition. Nous pénétrons par une large ouverture ornée de quatre piliers massifs dans une salle souterraine de 40 mètres carrés. Le plafond plat est soutenu par de nombreuses colonnes cannelées dont les chapiteaux à figure hiératique rappellent ceux de l'ancienne Égypte. Toutes les parois de ce sanctuaire sont recouvertes de sculptures d'un très fort relief ayant trait aux exploits de la triade indienne et surtout aux performances de Siva. Ces statues sont colossales, mais inférieures comme expression et comme attitude à celle d'Ellora. De plus, la plupart sont en partie dégradées. Deux cours flanquent cette étrange colonnade. Celle de gauche, appelée cour des lions, précède un sanctuaire en forme d'alcôve dans lequel était adoré le lingam. La borne symbolique de Siva est toujours à sa place, mais les lions qui la gardent sont modernes. Comme je redescends vers la plage, à travers bois, deux petits hindous, aux yeux inoubliables, s'empressent de battre les buissons devant moi pour en faire s'envoler les oiseaux et fuir les serpents. Je m'aperçois bientôt que je suis plus blanc que la blanche hermine. Les arbres à coutons secoués au passage m'ont joué ce tour, fort innocent d'ailleurs. Tout en secouant mon duvet argenté, je m'arrête à chaque échappée de forêt pour admirer encore à travers le cadre élégant des palmiers, cette merveilleuse rade de Bombay resplendissant d'azur et d'or. Et chaque fois, je la trouve plus belle. Amis qui me lisaient par complaisance, allez à Elephanta. Cependant, la belle nature me fait totalement oublier compagnons et déjeuners. La folle du logis en mal d'enfant va accoucher d'un nouveau Robinson Crusoé. Pourquoi le hurleur de notre vapeur vient-il brutalement interrompre cette naïve gestation? Adieu donc, île charmante, adieu mes deux petits vendredis d'un instant, adieu mon rêve à peine commencé, et attaquons le champagne, car je suis déjà à table et notre chaloupe fend à toute vapeur les flots irisés au son trivial de notre orchestre de couteaux et de fourchettes. Notre déjeuner est à peine fini que nous sommes de retour à Bombay. On sait que toutes les bêtes, même celles qui ne sont pas divinisées ou fétichisées, jouissent dans l'Inde d'une grande considération. Aussi est-il naturel que les animaux malades ou malheureux et que les vieillards ou les orphelins de cette caste d'être simplement organisés aient un hospice gratuit. Naturellement, où ils reçoivent tous les soins mérités par leur triste situation. Cet hôpital existe en effet au centre même de la ville indigène. En réalité, on ne peut rien voir de plus dégoûtant de plus puant et de plus grotesque que ce lieu dont l'entretien est très onéreux. Car non seulement on y reçoit les animaux malades, mais aussi ceux bien portants qu'un fanatisme quelconque arrache au couteau du boucher, par exemple. Je ne veux pas énumérer toutes les catégories de bêtes que j'y vois. Je citerai seulement un aigle gâteux qui s'obstine à vouloir se casser la tête contre une muraille et un cerf à moitié moisi couvert de plusieurs épaisseurs de mouches. D'autres bêtes à deux pattes et à turban vont, viennent, donnent un remède à l'un, un supplément de ration à l'autre, sans perdre de vue les agonisants afin, sans doute, de les assister à leur dernier soupir. Tolérer un semblable foyer d'infection au centre d'une ville, déjà passablement malsaine par elle-même, paraît être absurde au premier abord. Mais la révolte de 1857 a rendu le gouvernement anglais très circonspect en matière de traditions indigènes. Voilà la raison de l'existence autorisée de cet établissement de philanthropie animale. Vous ai-je dit que nous avions retenu nos places pour le vin sur un très beau paquebot de la Compagnie nationale, le Canton. En quittant l'hôpital des bêtes, nous allons donc faire la reconnaissance de notre future prison et nous revenons aussi enchantés de l'excellent accueil du capitaine Danel que des vastes proportions de nos cabines. Deux mots sur l'hôtel de l'Esplanade dont j'ai à peine parlé. Le service y est très bien fait par des métis indo-portugais vêtus d'une veste et d'un pantalon blanc. Ils sont petits et laids, mais intelligents comme des singes et ont l'air d'être extrêmement flattés quand on leur donne du babou. Les appartements de l'hôtel sont bien compris et très propres. Enfin, la salle à manger est monumentale, les menus variés et les vins excellents. Le coup d'œil de la table d'hôte est surtout féerique, avec les immenses punkas balancés en tous sens, le va-et-vient continuel des innombrables serviteurs et les rangées de boys de toutes les livrées et de tout type, immobiles derrière leur maître. Vers 8h du soir, nous nous rendons au jardin public du musée, 6 à l'extrémité du nord de la ville, où a lieu la distribution de prix de tir aux volontaires de la colonie. Les belles allées du parc sont illuminées de lanternes vénitiennes et de lampions qui rivalisent d'éclat avec les verres luisants. Sur une estrade trônent les autorités flanquées de leur moitié. Un général en tenue rouge et stick en main ouvre la séance par un speech aussi chaoté que l'idiome anglais l'exige. Les volontaires y répondent par 3 salves de hurrah. Au général succède un colonel. Son discours a exactement le même succès. Une mistress ou une lady riposte. Même ovation. Puis, après 2 autres speeches également harmonieux pour nos oreilles françaises, un gros bonnet militaire fait l'appel des lauréats. Comme cela nous importe peu, nous regagnons nos pénates, non toutefois sans avoir fendu et refendu en tous sens la foule bigarrée où nous remarquons plusieurs parsis idéalement jolis. La fête doit se terminer, nous assure-t-on, par un bal. Un bal en semblable canicule? Que terpsichore, les patafioles! Pour rejoindre notre voiture, il nous faut marcher pendant plus de 100 mètres sur un véritable parterre de corps humains. Il fait si chaud que tous les indigènes dorment à demi-roulés dans leur pagne, côte à côte sur les trottoirs de leur maison. Ils doivent d'ailleurs avoir l'habitude d'être ainsi piétinés, car aucun et aucune n'accuse réception de nos semelles où qu'elles se posent. Et cependant, la force de l'habitude fait que malgré moi, je dis « pardon » quand j'appuie trop fortement. 18 avril. Je consacre cette journée à trop de choses insignifiantes pour les mentionner ici. 19 avril. Dès le matin, nous transportons nos colis à bord du Canton et nous ne revenons à l'hôtel que quand tout est installé dans nos nouveaux appartements. Puis nous congédions nos boys après avoir rempli leurs bourses de plus de roupies qu'ils ne nous en ont demandé et leur avoir délivré un certificat de haute satisfaction. Leur couche de bronze est trop épaisse pour lire en eux. Nous regrette-t-il ? Je l'ignore et l'ignorerai toujours. Mais mon fidèle Ramjan ne m'a pas plus tôt quitté que j'ai une envie folle de le rappeler. Ma journée s'écoule en courses obligatoires, en visites d'adieu et en promenade à la paresseuse, en zigzag à travers Bombay afin de m'imprégner complètement de cette couleur asiatique que je me reproche de ne pas suffisamment regretter. Hélas, c'est bien vrai, tout passe, tout lasse, et cependant, l'inconstance est encore le moindre de mes défauts. Fin du chapitre 14.